Mesdames, messieurs, ce gong est le plus grand qu'on puisse trouver dans un musée italien. On dit qu'il date de l'année 1200 et que c'est Marco Polo qui l'a rapporté. Par ici, s'il vous plaît. Non, non. Qui est-ce Marco Polo? Ici, vous pouvez voir ce que nous avons de plus précieux dans tout Venise. Sous une vitre de protection de 10 cm d'épaisseur, repose le rubis du Khan des Khans, Kublai Khan, qui fut souverain de l'immense empire chinois il y a 800 ans. Ne touchez pas, mon petit, à la vitrine. Hein. Approchez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, approchez. Oui. Elle a la taille d'un œuf de pigeon et pèse presque